Rêve chimérique. C'est sous ce titre que le journal coréen Rodong Sinmun du 12 juin donne un commentaire qui dit « Il y a quelque temps, les officiels du ministère sud-coréen des Affaires étrangères ont imploré au siège de l'Union européenne la continuation de la sanction et de la pression puissante contre le Nord pour le changement de notre stratégie nucléaire et au Japon, l'application rigoureuse des mesures de sanction contre le Nord. » Le ministre sud-coréen des Affaires étrangères, Yoon Byung-se, a péroré que sa prochaine tournée à l'étranger sera une occasion de stimuler la diplomatie de pression contre le Nord. À présent, au sein des forces hostiles, surtout aux États-Unis, on laisse entendre que la sanction et la pression contre nous sont la peine perdue et que seul le dialogue et les négociations sont l'unique moyen de la solution du problème. Ahuri, les autorités sud-coréennes s'affairent pour la diplomatie de pression contre le Nord à l'aide des forces extérieures. Bien que les autorités sud-coréennes collaborent avec les forces extérieures pour alerter le monde sur la menace nucléaire du Nord et nous mettre en cause, elles ne pourront dénaturer l'essentiel du problème ni cacher leur nature de valet des États-Unis pour la guerre contre le Nord. Les autorités sud-coréennes doivent bien savoir qu'elles seront condamnées par la nation et humiliées sur la scène internationale si elles complotent avec les forces extérieures pour nous isoler et étrangler.